Je ne suis qu'un animal blessé dont les rêves ont été cassés, qui se cogne la tête au présent comme un chien perdu au passant. Mon âme jeune s'est abîmée de souvenirs d'enfants derniers, de solitude trop prolongée, d'une amitié qui s'est tuée. D'un regard de petite fille qui en disait long sur ma bille, qui t'apprend en un clin d'œil que ton avenir sera bien seul. Et celui du toujours bien habillé qui se rit de te voir si emprunté avec tes vêtements solides et utiles et qui t'explique le choix des filles. C'est un peu toutes ces petites humiliations, ces espoirs suivis de grandes désillusions, qui fait qu'un jour on se veut beau, que l'on veut être dans une autre peau. Les années passent et on apprend à jouer leurs règles et leurs mensonges. Puis vient le jour où t'es du rang et pour comprendre, t'y plonges. C'est l'heure où tu te crois beau, où tu as enfin ta part du gâteau. C'est l'heure où tu sais qu'on t'aime, mais au fond, est-ce vraiment toi-même ? Ne suis-je pas un animal blessé, dont les rêves ont été cassés, et qui lutte avec peine pour vivre loin de vos chaînes ? Alors, c'est le temps d'aller tout seul, de rebâtir sans dire un mot ces rêves fous, mais sans orgueil. Et c'est peut-être ça, devenir beau.